Gandhi, qu'est-ce que je ferais sans toi? Sans tant de pleurer de joie. Tout est foutu, non, non, non, non. Qu'est-ce que je ferais cette fois? Peut-être que la pluie nettoiera tout ça. Faudra que je recommence tout à zéro lundi. Je rêve tout simplement de vacances en Asie. Voir l'eau du Gange, oublier Paris, bronzer comme une orange sur les plages de Bali. Oh yeah. Non, non, non, non. Oh yeah. Tant pis si t'as rien compris. Je me sens libre comme Peter Pan. Peut-être que la pluie effacera mes pas. Faudra que je recommence tout à zéro lundi. Je rêve tout simplement de vacances en Asie. Voir l'eau du Gange, oublier Paris, bronzer comme une orange sur les plages de Bali. Oh, faudra que je recommence tout à zéro lundi.